Le vilain se sépare du prêtre. Le prêtre commande aussitôt qu'on fasse pour l'apprivoiser lier Blairin avec Brunin, sa propre vache, une belle bête. Le clerc l'amène dans leur jardin, trouve leur vache, ce me semble, les attache toutes deux ensemble. Puis il s'en retourne et les laisse. La vache du prêtre se baisse parce qu'elle voudrait paître. Blairin ne veut pas le souffrir. Elle tire la longe si fort qu'elle entraîne Brunin dehors. Elle l'a emmené par maison, par chenevière et par pré, qu'elle est revenue chez elle, avec la vache du prêtre, qu'elle avait bien de la peine à mener. Le vilain regarde et la voit. Il en a grande joie au cœur. « Ah ! Fait-il, belle sœur, vraiment Dieu et bon doubleur ! Car Blairin revient avec une autre. Elle amène une grande vache brune. Nous en avons deux maintenant, pour une. Notre étable sera petite. » Par cet exemple, ce fabliau nous dit que folle est qui ne se résigne. Celui-là a le bien à qui Dieu le donne, et non celui qui le cache ou l'enfouit. Nul ne peut multiplier ses biens, sans grande chance pour le moins. Par grande chance, le vilain eut deux vaches, et le prêtre aucune. Telle croix avancée qui recule.